السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، nous reprenons l'étude du grand livre du grand auteur الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et ce livre s'intitule الأدب المفرد, particulièrement avec l'authentification de l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Donc, Sahih al-Adab al-Mufrad lil-imam al-Bukhari. Durant le mois de Ramadan, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons pu étudier plusieurs chapitres et nous arrêter sur les hadiths, les récits prophétiques, les paroles des compagnons relatives à la bonté envers les parents. À la bonté envers les parents. Et on va reprendre, Inch'Allah Ta'ala, au chapitre Wujubu Silatir Rahim, chapitre l'obligation de lier les liens de parenté. Mais avant ça, pour les nouveaux qui nous rejoignent, il convient de savoir un minimum sur l'auteur, l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. C'est donc Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn al-Mughira ibn Bardizbah Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Le deuxième point, il est né en l'an 194 après l'Hégire. Après l'Hégire. Et est décédé, rahimahullahu ta'ala, en l'an 256 après l'Hégire. Il vient de Bukhara en Ouzbékistan. Reprenons la lecture au chapitre Babu Wujubi Silatir Rahim. L'obligation du lien de parenté. L'auteur, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nous mentionne ici ce chapitre pour nous énoncer, nous enseigner et nous apprendre un droit de la plus haute importance parmi les droits qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé à ses serviteurs. Un droit qu'Allah a rendu obligatoire. L'islam, notre noble législation, à ordonner et à encourager à la bienfaisance envers les proches, quand bien même ils auraient envers toi un mauvais comportement. Al-sila, c'est le lien. Et Ar-Rahim, c'est ton proche, celui avec lequel tu entretiens un lien de parenté, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Arhamuka sont par exemple tes oncles paternels, tes oncles maternels, tes cousins maternels, tes cousins paternels, tes neveux, tes nièces, tes frères et sœurs, tes grands-parents, tout cela entre dans l'arham. Et selon leur place par rapport à tes parents, ils auront un lien plus ou moins proche avec toi. Ils auront un lien plus ou moins proche avec toi. La sœur de ta mère, par exemple, fait partie des plus proches parents. La tante, ou plutôt, naam, yani l'enfant de ton oncle est un proche, mais il est moins proche que ta tante maternelle, par exemple, et ainsi de suite. Et qu'entend notre législation par silatul rahim, le lien de parenté, lier les liens de parenté, c'est-à-dire la bienfaisance envers eux, et lier le lien avec chacun selon le besoin, la nécessité et surtout le rang de cette personne. Tu vas t'enquérir de leur état. Tu vas prendre de leurs nouvelles. Tu vas les contacter, les visiter, visiter les malades parmi eux, dépenser pour les pauvres parmi eux, les entretenir, offrir des cadeaux, les inviter, repousser d'eux le mal et toute autre chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et renforce et consolide vos liens. Voici ce qui est voulu par Silatu Ar-Rahim. Entretenir les liens de parenté. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذوا نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أي أصلها في الدنيا. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset suivant, selon la traduction des sens du verset, et avertit les gens de ton clan les plus proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, puis proclama: Ô Bani Ka'b ibn Lu'ay, sauvez-vous, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Bani Abdi Manaf, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Bani Hashim, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Bani Abdil Muttalib, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Fatima, la fille de Mohammed, sauve ton âme de l'enfer. En effet, je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Mais il y a un lien de parenté que je me dois d'entretenir et de vivifier. Que je me dois d'entretenir et de vivifier. Voici un hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mis sous ce chapitre, l'obligation de lier les liens de parenté. On nous montre dans ce hadith l'importance des liens de parenté et l'obligation de les lier. Et que le droit à ces liens est proportionnel à la proximité de la personne envers toi. On voit ici que les proches ont plus de droits à ta bienfaisance et aux liens maintenus qu'autrui. Et lier les liens de parenté, comme on l'a mentionné tantôt, se fera selon la situation, la nécessité et la proximité. Celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé de l'argent, il peut lier les liens de parenté en entretenant ceux qui sont dans le besoin, en dépensant pour eux. Il peut entretenir les liens en offrant des cadeaux, en aidant à l'élaboration de projets. Il peut entretenir le lien en offrant des cadeaux. Celui à qui Allah a accordé de la science, il peut faire des recommandations, enseigner, rappeler, exhorter. Chacun selon ce qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité et lui a ouvert. Et on voit ici que le prophète alayhi salatu wa salam a appelé ses proches parents tribu ou clan par clan et les a spécifiés par une appellation, tout en les avertissant contre le feu de l'enfer et en précisant qu'il ne pourra rien pour eux, c'est-à-dire il ne pourra pas s'interposer entre la colère d'Allah et leur faute s'ils ne sont pas pieux dans ce bas monde. Naam, le prophète n'a pas le pouvoir de repousser d'eux le mal. Il ne pourra pas les sauver face à Allah Azza wa Jal. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Il ne peut décider des actions d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut décider de repousser la justice d'Allah lorsqu'il sanctionne son serviteur suite à ses fautes et ses péchés dans ce bas monde. Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Quiconque aura pris de la lenteur et du retard à cause de ses œuvres, ses mauvaises œuvres, sa lignée ne le fera pas avancer plus vite. Il faut absolument entretenir le lien avec Allah à travers sa connaissance, à travers son adoration, en l'adorant seul d'un culte sincère, avec le tawhid, avec l'obéissance, avec le suivi et la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne faut pas se reposer sur son nom, sur sa lignée, sur les actes de ses ancêtres, de ses aïeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Il nous dit également, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ces versets, lorsqu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura pas de lien entre eux. Il n'y aura pas de lien entre eux. Il nous dit également le jour où la personne se sauvera de son propre frère, de sa mère et de son père, de ses amis et de ses enfants. Chacun sera préoccupé par sa propre affaire. Chacun trop préoccupé par sa propre affaire. Même l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam ne sera que pour ce qu'Allah azza wa jal aura choisi et qu'avec sa permission. Il nous dit, lorsqu'on le questionne sur l'intercession, qui sera le plus en droit à ton intercession? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Toute personne qui aura dit nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, sincèrement de son cœur. À l'inverse, lorsqu'Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Azar le jour de la résurrection et que son père lui demandera de l'aide, Ibrahim demandera à Allah. Ibrahim demandera à Allah, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour des comptes? Et quelle plus grande humiliation que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. Et là, on demande à Ibrahim alayhi salam de regarder et il voit son père transformé en hyène, ensanglanté, prise par les pattes et jeté en enfer. Et Allah dit, ni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin, j'ai interdit le paradis aux associateurs ou aux mécréants. Le lien d'avec un prophète, aussi rapproché soit-il, aussi honoré soit-il, s'il n'y a pas le tawhid, s'il n'y a pas l'islam, s'il n'y a pas l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ne sera d'aucune utilité le jour de la résurrection. Des pauvres, des gens sans haute lignée noble ont été élevés. À l'inverse, des grands nobles, de par leur éloignement et inimitié envers le prophète alayhi salatu wa salam, ont été humiliés. Donc le lien entre toi et ton Seigneur, c'est taqwa. Wal amal salih, c'est la piété et les bonnes œuvres. Ce sont les actions. Ici, on nous encourage à nous prémunir du feu de l'enfer. Et le prophète sallam disait, taqun nar wa bi shirqi tamara. Prémunissez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date ou la moitié d'une date en aumône. Le prophète sallam nous dit, où il dit, ya ma'ashara an-nisa, ou vous les femmes, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Ou vous les femmes, faites beaucoup d'aumônes, je vous ai vu la plupart des habitantes de l'enfer. Fa qulna bima ya rasulallah. Nous dit, mais pourquoi? Quelle est la cause au messager d'Allah? Et lui de répondre. Tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Vous maudissez beaucoup, donc les péchés de la langue. Et vous êtes ingrate envers vos époux. Rapporté par le Bukhari Muslim selon Abu Sa'id, radiallahu anhu. À la fin du hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, après avoir enraciné cette base, c'est-à-dire que le lien avec Allah ne se fait pas par le nom de famille, la lignée, na'am, la généalogie, la couleur ou l'argent ou autre, non, mais qu'avec le tawhid, qu'avec l'islam, qu'avec les bonnes œuvres. Il finit en disant ghayra anna lakum rahiman, si ce n'est que il y a entre nous un lien de parenté. Sa'abulluha bibilaliha, que je me dois d'entretenir, c'est-à-dire dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Voici donc un grand hadith qui nous enseigne l'obligation de lier les liens de parenté. Le chapitre suivant, Babu Silatir Rahim. Chapitre, les liens de parenté. Chapitre, le lien de parenté. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous dit, an Abi Ayyub ibn al-Ansari radiallahu anhu an a'rabiyan arada lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi masiri. فقال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Selon Abu Ayyub al-Ansari رضي الله عنه, un bédouin sur le chemin du prophète عليه الصلاة والسلام se présenta à lui et demanda, informe-moi de ce qui me rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, adore Allah et ne lui donne aucun associé. Accomplis la prière. Acquitte-toi de la zakat. et lie les liens de parenté. Et lie les liens de parenté. Dans ce hadith, on voit la grande motivation qu'avaient les compagnons, radiyallahu anhum, quant à la connaissance du bien, quant à la connaissance de la piété, quant à la connaissance de ce qui fait entrer au paradis et sauve de l'enfer. Car ils avaient compris la sagesse pour laquelle Allah Azzawajal les avait créés. Adorer Allah seul sans rien lui associer. Et le but, entrer au paradis, éviter l'enfer. On tire de ce passage-là qu'il nous faut questionner les gens de science et leur demander conseil, leur demander des recommandations, leur demander notre chemin et l'orientation. Pour lui répondre, le prophète alayhi salat wa salam lui a mentionné quatre points. En commençant par la chose la plus importante. Tu adores Allah sans jamais rien lui associer. On voit que le point le plus important, c'est le tawhid. Et que la chose la plus grave, c'est al-shirk. On voit que la plus grande chose qui fait entrer au paradis, et l'ordre le plus important, c'est le tawhid. Car le prophète m'a commencé par cela. Et la chose la plus grave, c'est al-shirk. C'est al-shirk. Ça contredit le tawhid. Le tawhid, c'est adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Et le shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah dans ce qui lui est propre. Comme adorer autre que lui. Comme adorer autre que lui. Et on voit que pour unifier Allah et être musulman, il te faut absolument, pour être monothéiste, il te faut absolument la négation et l'affirmation. Donc, al-tawhid se compose d'une négation et d'une affirmation. La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. La ilaha, c'est la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et illallah, c'est l'affirmation que seul Allah mérite l'adoration. Donc, tu adores Allah sans jamais rien lui associer. Affirmation, négation. C'est ça l'islam, c'est ça al-tawhid. Le deuxième point, tu accomplis la prière. Il s'agit ici des cinq prières obligatoires. Al-subh, qu'on peut appeler aussi le fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Cinq prières qu'Allah Azza wa Jal nous a rendues obligatoires. Et il convient d'enseigner le nom de ces prières. J'ai cité volontairement le nom de ces prières car certains de nos enfants ne mémorisent pas, ou peut-être même des parents ne mémorisent pas le nom de ces cinq prières. Et la prière, et la prescription la plus obligatoire après At-Tawahid. Le troisième point, tu t'acquittes de la zakat. C'est un droit sur les biens de la personne riche qu'on prend et qu'on redistribue aux pauvres. Suffisant pour être utile aux pauvres, mais pas trop conséquent pour ne pas être trop lourd sur le riche. Watasilur Rahim. Le quatrième point, tu lis les liens de parenté. Silatul Rahim, c'est une obligation. Et c'est une des plus grandes causes qui rapproche le serviteur du paradis. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, pour répondre à cette question, ce qui te fait entrer au paradis, a dit, les lier les liens de parenté. Deuxièmement, c'est une grande adoration qui éloigne du feu de l'enfer. Car le prophète salam a répondu également à la question, qu'est-ce qui m'éloigne de l'enfer? Troisièmement, on voit ici que ça fait partie des plus grandes adorations. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, a mis cela à côté des trois premiers piliers de l'islam, subhanallah. À côté des trois premiers piliers de l'islam. C'est donc un acte béni et une adoration, une obéissance très grande qui rapproche le serviteur du paradis et qui l'éloigne de l'enfer. Et quel but plus louable et que recherchons-nous si ce n'est cela? C'est l'énorme succès. Entrer au paradis, être sauvé de l'enfer, Allah a appelé cela dans le Coran, al-fawz, le succès. وَمَنْ زُحْزِحَ مَاذَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque est sauvé de l'enfer et entre au paradis aura obtenu le succès. Donc le vrai succès, ce n'est pas de décrocher telle ou telle chose dans ce bas monde. L'énorme succès, c'est d'éviter l'enfer et d'entrer au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous joigne à cela. Le hadith suivant, عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a dit, je suis le tout miséricordieux. J'ai créé la parenté et j'ai dérivé son nom du mien. J'ai tiré son nom du mien. Quiconque unit alors le lien de parenté, je me lie à lui. Et quiconque rompt le lien de parenté, je brise le lien avec lui. Je brise le lien avec lui. Dans ce hadith, où j'ai sauté, naam, le hadith, naam, c'est celui-ci. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah le Très-Haut a dit. C'est ce qu'on appelle un hadith Qudusi. C'est ce qu'on appelle un hadith Qudusi. Non, il me semblait bien avoir sauté le deuxième hadith de Bab Silatul Rahim. On revient à Abi Hurayrah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك قال ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Dans le chapitre des liens de parenté, Abu Hurayra radiallahu anhu nous rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah eut achevé la création, le lien de parenté se dressa. Et Allah dit, qui a-t-il? Yani mah, c'est adatu stifham, c'est une particule interrogative. Naam, c'est-à-dire qui a-t-il? Que demandes-tu? Donc les liens de parenté se sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala, se sont adressés à Allah azza wa jal, réellement. Et Allah est ala kulli shayin qadir, Allah est parfaitement capable. Celui qui nous a permis de nous dresser debout est parfaitement omnipotent et capable de faire se dresser les liens de parenté et de leur permettre cela. Donc, qu'y a-t-il? Que demandes-tu? Et là, les liens de parenté se sont exprimés. Le lien de parenté s'exprima et dit: voici la position de celui qui cherche refuge auprès de toi contre la rupture. Voici la position, voici l'état de celui qui cherche refuge auprès de toi contre la rupture. Allah lui a donc dit: ne serais-tu pas satisfait que je me lie avec celui qui te lie et que je romps avec celui qui rompt avec toi. Alors le lien de parenté a dit, certainement, ô Seigneur. Il a dit, ceci est pour toi. Puis Abu Hurayrata radiallahu anhu continua, lisez si vous voulez, la traduction du sens donc de ce verset, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. On a donc un hadith qui nous montre la grande place des liens de parenté et le danger de les rompre et de les briser. La grande place des liens de parenté et la dangerosité de les briser. Donc les liens de parenté sont, ou le lien de parenté s'est tenu devant Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal s'est adressé au lien, le lien a répondu et s'est exprimé. Il a donc cherché refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre la rupture de son lien par les gens. Contre la rupture de son lien par les gens. Ar-Rahim, le lien de parenté, fait donc partie de la création d'Allah. Des créatures d'Allah. Qu'Allah a créé à partir du néant. Par sa volonté et son omnipotence, par sa science, subhanahu wa ta'ala. Ici, on nous montre la grande place de ces liens. Et que, chez Allah Azza wa Jal, ça a une grande part. Et que c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala a donc, ou plutôt le lien de parenté s'est donc dirigé vers Allah. S'est sauvé vers Allah afin d'obtenir la protection, la préservation. Et comme je le disais tantôt, le lien s'est dressé réellement et a parlé haqiqatan, réellement. N'est-ce pas que la mort viendra le jour de la résurrection? Un bélier qui sera sacrifié entre le paradis et l'enfer. Et on dira, oh vous les gens du paradis, vous avez à vivre et à ne plus jamais mourir. Oh vous les gens de l'enfer, vous avez à vivre et à ne plus jamais mourir. Allah est parfaitement capable. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jal fera parler les membres de ses serviteurs le jour de la résurrection? La peau des serviteurs le jour de la résurrection. Lima shahidtum alayna. Qalu antaqana Allah. Dans surat Fussilat. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils répondront, c'est Allah qui nous a fait parler. Tes membres, ta peau, c'est Allah qui nous a fait parler. Allah est parfaitement capable, parfaitement omnipotent. Les bonnes œuvres viendront dans la tombe du serviteur sous l'apparence d'une personne qui vient avec un beau visage ou sous l'apparence d'une personne qui vient avec un visage laid. Donc tout cela est possible. On y croit et on le certifie car le prophète sallam nous l'a dit et nous en a informé de la part de son Seigneur. Puis Allah Azza wa Jal lui dit que celui qui lira les liens avec toi, je lirai les liens avec lui. Et le lien de parenté a été satisfait de cela et s'est rassuré par cela. Et lorsqu'on dit, et lorsqu'on mentionne ce texte, ça nous fait penser à la règle El Jaza ou Mindin Selam. La rétribution a lieu selon l'action. La rétribution a lieu en fonction de l'action faite. Ici, la personne lit les liens de parenté, Allah lit le lien avec lui. Elle brise les liens de parenté. Ces liens sont brisés. Et dans le verset, si vous vous détournez, c'est-à-dire de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a commandé. Si vous vous détournez, c'est-à-dire de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a commandé. ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Tout cela nous montre à nouveau l'importance des liens de parenté. Tout cela nous montre à nouveau l'importance des liens de parenté. Le chapitre suivant, Babu Fadli Silati Rahim. Le chapitre du mérite du lien de parenté. Chapitre, le mérite du lien de parenté. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. D'après Abu Huraira radiallahu anhum, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô messager d'Allah, j'ai des proches avec qui je lie les liens de parenté, mais eux rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, mais ils se comportent mal avec moi. Ils sont grossiers à mon égard, alors que moi je reste patient avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, plutôt il dépasse les limites à mon égard, et moi je reste patient envers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, si l'affaire est comme tu l'as décrit ici, c'est comme si tu enfonçais des braises dans leur bouche. Et Allah ne cessera de te soutenir et de te secourir contre eux aussi longtemps que tu agiras ainsi. Aussi longtemps que tu agiras ainsi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un serviteur qui est bienfaisant et lie les liens de parenté. Mais en face de lui, il a des proches qui non seulement ne lui rendent pas la monnaie de sa pièce, mais pire encore, ils lui causent du tort. Ils lui causent du tort. Il nous dit, je lie les liens avec eux, mais eux les rompent. Je suis bienfaisant vers eux. Je les visite, je prends de leurs nouvelles, je dépense pour eux, je suis gentil avec eux. Mais eux sont mauvais envers moi. Ils transgressent, dépassent les limites à mon égard. Quant à moi, je me montre endurant et longanime. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si l'affaire est comme tu l'as décrit, le prophète salam n'a pas entendu l'autre partie. Mais il lui répond en fonction de ses dires. Si l'affaire est comme tu l'as décrit, c'est comme si tu mettais de la boue, de la braise dans leur bouche. Donc ils se causent du tort à eux-mêmes. Ils se causent du tort à eux-mêmes en se comportant avec toi de cette mauvaise façon, en se comportant avec toi à l'image des ignorants, des transgresseurs, avec de mauvaises paroles, avec des insultes peut-être. Alors que toi, tu es endurant, tu as un bon comportement, tu ne cesseras d'être secouru par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne cesseras d'être secouru et soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui se comporte mal envers toi ne te cause pas réellement du tort, il se cause du tort à lui-même. Car il a été ingrat. Au lieu de te remercier, il s'est montré ingrat. Au lieu de te faire du bien, il te fait du mal. On voit dans ce hadith que celui qui se montre endurant avec ses proches ne cessera de recevoir le soutien et le secours d'Allah Azzawajal. L'assistance et l'aide de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. On voit dans ce hadith qu'Allah aime celui qui lie les liens de parenté. Et que lier les liens de parenté a une très grande place chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enfin, il y a dans ce hadith un encouragement à lier les liens de parenté, même envers ceux qui se comportent mal. Le hadith suivant, an Abd al-Rahman ibn Auf, radiallahu anhu, annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul. Qala Allah azza wa jal, ana al-Rahman, wa ana khalaqtu al-Rahim, wa ashtaqtu laha min ismi. Wa ashtaqtu laha min ismi. Faman wasala wasaltuh, wa man qata'a batattuh. Dans le hadith, Abd al-Rahman ibn Auf nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis Ar-Rahman, tout miséricorde. J'ai créé la parenté et j'ai tiré son nom du mien. Quiconque unit le lien de parenté, je me lie à lui. Et quiconque rompt le lien de parenté, je brise le lien avec lui. Donc, on voit dans ce hadith, le hadith Qudusi, le hadith à thème divin. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah a dit, mais ça ne fait pas partie du Coran. Ça ne fait pas partie du Coran. Deuxièmement, le Coran, on le psalmodie et on est récompensé par une hasana multipliée par 10 pour chaque lettre lue. Le hadith Qudusi n'est pas ainsi. On ne le psalmodie pas comme on psalmodie le Coran et il n'y a pas la même récompense. Le Coran, on le lit dans le Coran. Le Hadith Qudusi, on ne le lit pas dans le Coran. Le Coran est entièrement rapporté, largement mutawatir, et entièrement au plus haut niveau d'authenticité, qui ne permet pas le moindre doute sur le moindre mot. Le Hadith, lui, est sujet à l'étude de la terminologie du Hadith. Certains sont authentiques, d'autres ne le sont pas. Et d'autres différences encore mentionnées par nos savants, rahimahumullah wa hafidhahum. Donc dans ce hadith Qudusi, Abdurrahman ibn Auf nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah azza wa jal a dit, ana ar-Rahman. On tire de ce hadith que parmi les noms d'Allah, il y a ar-Rahman. Et donc Allah l'attribue de ar-Rahman. La miséricorde, qu'on peut traduire aussi par la pitié. Wa ana khalaqtu ar-Rahim. On voit que parmi les attributs d'Allah, il y a el khalq, la création. Allah crée. Khalaqtu ar-Rahim. Khalaqtu, c'est un verbe. Il y a donc, ici, on tire du verbe, l'action d'Allah. Donc, l'attribut de créer. Parmi la création d'Allah, les créatures d'Allah, ar-Rahim. Donc, ar-Rahim est créé par Allah Azza wa Jal. وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي. Et j'ai dérivé son nom du mien, j'ai tiré le nom Ar-Rahim de mon nom Ar-Rahman. Naam, ça a la même racine. Ça a la même racine, la même base. Ainsi, on nous dit quiconque unit le lien, je me lie à lui. Quiconque rompt le lien de parenté, je brise le lien avec lui. On voit ici le mérite du lien de parenté. Et parmi les grands mérites, le fait qu'Allah Azza wa Jal lie le lien avec toi. Le fait que toi, la créature, que nous, les créatures, nous lions le lien avec Allah Azza wa Jal, nous aimons Allah. Nous nous dirigeons vers lui, nous l'invoquons, nous lui demandons au quotidien notre subsistance, la guider, le paradis, la préservation contre le feu de l'enfer, la santé, la guérison, la droiture de nos proches, de nos familles, de nos enfants et autres. C'est tout à fait normal. car nous sommes des serviteurs dépendants d'Allah Azza wa Jal. Et seul l'égaré ne fait pas cela. Mais là, ici, tu as le Seigneur immense, dominateur suprême, celui qui El Rani ou El Hamid, celui qui se passe largement des mondes, qui n'a besoin de personne et sans lequel personne ne subsiste. Lui, l'unique, lie le lien avec toi. Par sa grâce, sa générosité, sa bonté. Naam. Et ça, c'est grandiose. Le Seigneur des mondes qui lie le lien avec sa faible créature. Une grâce de sa part, une miséricorde, une pitié, une bonté, une générosité. Subhanahu wa ta'ala. Donc voici un grand bienfait et un grand mérite. C'est pour cela que l'auteur, l'imam Bukhari, a mis ce hadith sous ce chapitre. On voit également la dangerosité de rompre ce lien. Car celui qui rompt le lien de parenté, Allah Azza wa Jal, rompt le lien et brise le lien avec lui. On voit à nouveau ici la règle al-jaza ou min jins al-amal. La rétribution a lieu en fonction de l'action, selon la catégorie d'action accomplie. Naam. Puis l'auteur nous dit, wa anabi أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهب يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة يقال شجنة أيضا من الرحمن فمن يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. Le hadith suivant, selon Abu al-Anbas, radiallahu anhu, j'entrais chez Abdullah ibn Amr à El-Wahb. Al-Wahb est une des terres de Abdullah ibn Amr qu'il possédait à Taif. Taif, c'est une ville connue, à environ 80 km de Mecca. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré son doigt incliné. Puis il a dit, la parenté est un lien. La parenté est un lien entrelacé ici du tout miséricordieux. Quiconque le lie, Allah se lie avec lui. Et quiconque le rompt, Allah rompt avec lui. Le jour de la résurrection, elle, c'est-à-dire la parenté, aura une langue déliée et éloquente. Allahu Akbar. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux compagnons. Et leur a montré l'importance et le mérite des liens de parenté. En leur disant que la parenté, naam, a une base qui est semblable à la base du nom d'Allah Ar-Rahman et fait partie des effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ainsi, il lie entre les liens de parenté. Ainsi, il lie les liens de parenté entre eux. Donc, on nous dit que la parenté est un lien entrelacé issu du tout miséricordieux, issu du nom d'Allah Ar-Rahman, comme on l'a expliqué dans le hadith précédent. Et également, Ar-Rahim, la parenté, est un effet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers nous les serviteurs. Car quel serait le comportement des serviteurs d'Allah Azza wa Jal entre eux s'il n'y avait pas la parenté? Quelle miséricorde, quelle pitié, quelle douceur y aurait-il eu entre eux s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu la parenté? Avec cette miséricorde, l'homme a pitié pour ses frères et sœurs, sa famille, épouse, enfant, ses neveux, Naam, ses oncles et tantes, ses grands-parents, ses neveux, ses nièces, et ainsi de suite, ses cousins. Et cette pitié se répercute dans le foyer, dans la famille. Cette famille va avoir un effet sur la famille d'à côté, et chaque famille va déborder de miséricorde les unes envers les autres. Et ça donnera lieu à quoi? À une société saine, à une société pure, à une société pleine de miséricorde. À l'inverse, imaginez-nous, malgré déjà nos défauts, en plus donc de déjà des défauts que nous avons, sans les liens de parenté, sans pitié les uns envers les autres, sans pitié les uns envers les autres. Non. Et si la personne se dit, oui mais un tel, c'est mon proche, et il me fait, et il me fait. Un tel, c'est mon proche, mais il ne passe pas avec moi malgré mes erreurs. Un tel et un tel. Ben, on lui répond, ben, si c'est le cas, malgré la parenté, sache que sans la parenté, cela aurait été que pire. Donc, c'est une grande miséricorde et un grand effet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur nous, les liens de parenté. Et combien de familles pauvres, dans le besoin, se sont retrouvées à vivre dans la richesse, dans, à l'abri du besoin, dans la joie et la suffisance, grâce à Allah Azza wa Jal, qui a mis cette pitié dans le cœur de son proche parent, qui dépense pour lui, qui dépense peut-être même pour son épouse et ses propres enfants, qui mensuellement lui donne de son argent propre, pour qu'il les dépense pour ses besoins, pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants, et peut-être même qu'il dépense pour les enfants de ses sœurs, pour ses oncles, pour ses tantes, pour ses neveux, pour ses nièces, et ainsi de suite. Quelle plus grande miséricorde que celle-ci, alors qu'il a le choix de garder ses biens, et de se voir plus riche, et de développer ses affaires et de construire et de se rélever et de rajouter des étages et de s'acheter Kate à Kate. Mais non, il choisit par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa grande miséricorde à travers ce lien de parenté, il s'agit de faire du bien. Il choisit de faire du bien dans Mada, dans ses proches. Et il nous a été donné. Naam, il nous a été donné de voir de cela dans nos familles. Il nous a été donné de voir cela chez nos amis par la grâce d'Allah Azza wa Jal. On voyait des oncles acheter les chaussures, les baskets de leurs neveux lorsque les parents n'avaient pas les moyens. Ou les oncles et les tantes emmenaient les neveux et les nièces en vacances parce que les parents n'avaient pas les moyens. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans le foyer, par extension, dans les familles. Après avoir mentionné cette généralité dans l'intitulé Babu Fadli Silat al-Rahim, le chapitre, le mérite du lien de parenté, l'auteur rahimahullah ta'ala a singularisé un chapitre sur un mérite particulier. Sur un mérite particulier, dans lequel il nous dit, rahimahullah ta'ala, bab, j'ai oublié un hadith, an Aisha radiallahu anha, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, al-rahimu shajnatun min Allah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'a qata'ahu Allah. D'après Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parenté est un lien entrelacé issu d'Allah. Quiconque le maintient, Allah maintient avec lui, et quiconque rompt, Allah rompt avec lui. Donc ça a le même sens que le hadith précédent, on voit ici le mérite de lier les liens de parenté, c'est qu'Allah maintient les liens avec ce serviteur. Le chapitre suivant, Babu Silati Rahim Tazid ou Fil Umr. Maintenir le lien de parenté prolonge la vie. Prolonge la vie. Donc l'auteur nous montre un bienfait particulier du maintien des liens de parenté. Du maintien des liens de parenté. Ainsi, on comprend une grande information qui est que la récompense de l'adoration et de l'obéissance à Allah, certes, a lieu dans l'au-delà, à une grande échelle, mais dans ce bas monde également. Mais dans ce bas monde également, Allah Azza wa Jal te donne une récompense rapide dans ce bas monde et il te garde l'énorme récompense dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Il ne faut donc pas comprendre que celui qui adore Allah Azza wa Jal vit dans le malheur, dans la pauvreté, dans la difficulté, et que tout ce qui lui est réservé n'est réservé que dans l'au-delà. Non, ceci est une conception erronée. Ceci est une conception erronée. Même si certains aimeraient voir les musulmans vivre dans la difficulté, vivre dans la pauvreté, vivre que employés d'autres personnes soumises à eux. Mais non, Allah Azza wa Jal a élevé le croyant et il lui donne dans l'au-delà, mais certes, il a choisi de donner une partie d'entre eux dans ce bas monde, beaucoup de ses bienfaits. Walillahi alhamdi wal minna. L'auteur, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nous dit عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنس بن مالك رضي الله عنه نودي Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit quiconque désire qu'on lui étende sa subsistance et qu'on fasse perdurer ces traces, qu'il maintienne le lien de parenté. Qu'on lui maintienne ces traces, c'est-à-dire qu'on lui allonge la vie. Dans ce hadith, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque désire ». Cette phrase est une méthodologie dans le prêche, dans la transmission, dans l'éducation et l'enseignement qui est « usloub al-targhib » qui développe et suscite le désir. Il est bon lorsque tu éduques, enseignes, que tu fasses désirer au serviteur ce qui se trouve comme bienfait auprès d'Allah. Ainsi, tu le motives et tu le pousses à agir. Car naturellement, l'humain est ainsi. Il redouble d'efforts lorsqu'il sait qu'il y a une récompense au bout. Bien qu'il fasse pour Allah Azza wa Jal. Quelles sont les deux choses à gagner? Premièrement, l'élargissement de la subsistance, la richesse. Soit il aura plus de richesses, soit les mêmes richesses matériellement parlant, en quantité, cependant, il y aura plus de bénédictions dans cela. Il y aura plus de bénédictions, donc avec autant, il fera bien plus. Quoi qu'il en soit, c'est le même résultat. Donc, la richesse, à travers lien de parenté, Allah t'enrichit. Et qui dit enrichissement, dit préservation contre la pauvreté. Le deuxième bienfait obtenu avec le lien de parenté, c'est l'allongement de la vie. Soit la personne, les anges, avaient auprès d'eux que si Il lie les liens de parenté, il vivra jusqu'à 80 années de sa vie, et dans le cas contraire, 50 ou 60 ou 70. Soit, comme on a dit précédemment, deux paroles chez les savants. La deuxième parole étant que il fera beaucoup plus de bien avec le même nombre d'années, c'est-à-dire qu'on va bénir son temps. On va bénir ses moments, on va bénir sa vie. Et quoi qu'il en soit, c'est le même résultat. En peu de temps, il fera beaucoup plus. Naam. Et beaucoup de savants disent qu'on lui allonge littéralement sa vie. On lui allonge littéralement sa vie. Allah sait et a toujours su ce qu'il fera. Et il sait à quel âge il mourra. Donc, parmi les causes d'allonger sa vie, de vivre longtemps, naam, il y a lié les liens de parenté. Subhanallah, on trouve que un des commerces les plus en essor et les plus développés, c'est le domaine de la des cosmétiques. N'est-ce pas que les femmes dépensent énormément en produits dits de beauté, en crème? Certains se font même désormais injecter, pensant rester vivants plus longtemps et jeunes plus longtemps. Tout cela au service de quoi? De la prolongation de la jeunesse de la vie. Or, l'islam nous enseigne des causes. N'est-ce pas que la plus grande crainte chez la plupart, c'est la mort, et ils veulent vivre plus longtemps. C'est pour cela qu'ils améliorent leur alimentation, c'est pour ça qu'ils font toutes sortes de choses. Ici, c'est l'information du prophète alayhi salat wa salam, qui ne parlait pas selon ses passions, mais ça n'était qu'une révélation. Donc voici une grande cause pour vivre plus longtemps. Et dans le bien, lier les liens de parenté. Les gens cherchent la richesse et sont prêts à trahir, à mentir, à tricher, à voler, à tuer même. Wal'iyadu billah, pour de la richesse. Ici, nous avons une cause légiférée, lier les liens de parenté. Et lier les liens de parenté. On a même dans un autre hadith, que le bon comportement est également une cause pour allonger la vie. Dans le cas d'Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Enfin, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque souhaite qu'on lui étende sa subsistance, et que, qu'on est là, que Mada, qu'on étende son, ses traces, qu'il unisse le lien de parenté, qu'il lie le lien de parenté. Donc c'est le même sens que le hadith précédent, celui qui aimerait vivre plus longtemps, avoir plus de subsistance, qu'il lie le lien de parenté. Ainsi, comme l'a dit l'imam al-Bukhari dans son intitulé de ce chapitre, celui qui lie les liens de parenté, allonge la vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance afin de comprendre l'importance des liens de parenté, afin de pouvoir lier les liens de parenté et qu'il nous préserve de les briser. Après avoir compris cela, il convient sans plus tarder à toute personne qui a rompu les liens de parenté de prendre son téléphone et de contacter ce parent, ce proche, puis de se déplacer, de visiter ce proche, de se repentir chez Allah, de regretter, puis de demander pardon à ce proche, à qu'il ait eu tort ou qu'il ait eu raison, sur la base du problème, espérant ainsi entrer au paradis et être préservé de l'enfer comme nous l'avons étudié. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.